Job chapitre 36. Élie continue à de parler, et dit, « Attends-moi un peu, et je te montrerai qu'il y a encore d'autres raisons pour la cause de Dieu. Je tirerai de loin mes raisons, et je défendrai la justice de celui qui m'a fait. Car certainement il n'y aura rien de faux en tout ce que je dirai, et celui qui est avec toi, est infaillible dans ses raisons. Voilà, Dieu est plein de force, mais il ne dédaigne personne, encore qu'il soit puissant de force de cœur. Il ne laisse point vivre le méchant, et il fait justice aux affligés. Il ne retire point ses yeux de dessus le juste, même il place les justes sur le trône avec les rois, et les y fait asseoir pour toujours, et ils sont élevés. Que s'ils sont liés de chaînes, et s'ils sont prisonniers dans les liens de l'affliction, il leur montre ce qu'ils ont fait, et il leur fait connaître que leurs péchés se sont augmentés. Alors il leur ouvre l'oreille pour les rendre sages, et il leur dit qu'ils se détournent de l'iniquité. S'ils l'écoutent et le servent, ils achèveront leurs jours heureusement, et leurs années dans les plaisirs. Mais s'ils n'écoutent point, ils passeront par le fil de l'épée, et ils expireront pour n'avoir pas été sages. Et ceux qui sont hypocrites en leur cœur, attirent sur eux la colère, ils ne crieront point quand il les aura liés. Leur personne mourra étant encore dans sa vigueur, et leur vie finira parmi ceux qui se prostituent à la paillardise. Mais ils tirent l'affligé hors de son affliction, et ils lui ouvrent l'oreille dans l'oppression. C'est pourquoi ils t'eût tiré hors de l'angoisse, pour te mettre au large, il n'y eut rien qui t'eût serré, et ta table eût été toute couverte de viande grasse. Or tu as rempli le jugement du méchant, mais le jugement et le droit subsisteront. Certainement Dieu est irrité. Prends garde qu'il ne te plonge dans l'affliction, car il n'y aura point alors de rançon si grande qu'elle puisse te délivrer. Ferait-il quelque cas de tes richesses? Il ne ferait aucun cas ni de ton or, ni de toute ta grande puissance. Ne soupire point après la nuit en laquelle les peuples s'évanouissent de leur place. Et garde-toi de retourner à l'iniquité, car tu en as fait le choix, pour t'être affligé comme tu as fait. Voici, le Dieu fort élève les hommes par sa puissance, et qui est-ce qui enseignerait comme lui? Qui est-ce qui lui a prescrit le chemin qu'il devait tenir? Et qui lui a dit, tu as fait une injustice? Souviens-toi de célébrer son ouvrage que les hommes voient. Tout homme le voit, chacun l'aperçoit de loin. Voici, le Dieu fort est grand, et nous ne le connaissons point, et quant au nombre de ses années, on ne le peut sonder. Parce qu'il met les eaux en petites gouttes, elles répandent la pluie selon la vapeur qui la contient. Et les nuées la font distiller et dégoûter sur les hommes en abondance. Et qui pourrait comprendre la grande étendue de la nuée, et le son éclatant de son tabernacle? Voilà, il étend sa lumière sur elle, et il couvre le fond de la mer. Or c'est par ces choses-là qu'il juge les peuples, et qu'il donne des vivres en abondance. Il tient caché dans les paumes de ses mains le feu étincelant, et il lui donne ses ordres à l'égard de ceux qui se présentent à sa rencontre. Son bruit emporte les nouvelles, et il y a de la fureur contre celle qui monte, à qui gagnera la place.